rêve du paradis. Les ignorants pensent qu'on a qu'une vie. Je suis venu poussière, je repartirai poussière. On s'enterre pas tout seul. La vie c'est pas facile. Perdu sans boussole. Perdu sans boussole. Les condés viendront retourner mon domicile. Mais j'assume, oui, j'assume. Mes galères, mes ennuis. C'est ma vie. Les idées négatives. Le chétal est rentré. Et pour oublier, négatif. Du canal mélangé. Mais là-haut, c'est trop tard pour lui dire désolé. Alléluia, alléluia. Moi j'ai connu la bagarre, le trou noir. Mais j'ai la foi. Ça pue la mort dans le couloir. Solo dans le brouillard. Solo dans le brouillard. Je suis à l'église dans les louanges. Les merroyas font des dards. Le péché s'accumule. Le diable les stimule. J'ai pris du recul, je suis dans ma bulle. Mon entourage ne me voit plus. Plume trempée dans l'encre. Je dirais que la vie n'est qu'une mort lente. Ouais, go. Là, voilà, il m'est arrivé deux, trois petites galères avec le mec de ma cité. Ça veut dire, laisse-moi un peu le temps. Et go, moi, je te ramène. Comment ça, t'as un peu. Ça fait un moment. Mais c'est très bien ma gueule. Affaires, là, c'est très bien ma gueule. Mais vas-y, mon frère, tu veux que je fasse quoi? Très bien, écoute. Bougez ma gueule, c'est jamais comme ça. Mais c'est très bien. C'est jamais comme ça. Voilà, c'est jamais comme ça. Go. Laissez-moi deux jours. Voilà, deux jours. Le genou à terre, le regard vers les cieux. Aujourd'hui, tout va mal. Demain, tout ira mieux. Demain tout ira mieux, on ira tous au ciel, ouais si Dieu le veut, Inch'Allah. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux, Inch'Allah. Le genou à terre, on ira tous au ciel, demain si Dieu le veut, Inch'Allah. Mes mots, je repasse à ma vie, est-ce que je fais le bon choix? N'ai pas le temps de regretter. Tu peux garder tes mouchoirs sur le préau de la primaire au collège. Il n'y a que le préau qui me connaît. Il sait ce que j'ai commis. Il sait donc ce que je suis capable de commettre. Sûrement des actes pas très catholiques pour éviter situation chaotique. On est, on meurt, on vit. La réalité m'empêche de rêver. Conseil du daron pour pas dériver. Maman, maman, j'ai mal à la vie. Maman, j'ai mal à la vie. J'ai des armes parce que j'ai des rivaux. Et j'ai tant crié dans mes prières. Tout va mal depuis la traite négrière. Et la cité n'est pas née hier. Elle a baisé le grand et le petit frère. C'est le ciel ou les flammes, on a écoulé grammes, on a écoulé ça. Fais du bénéf, payez des femmes, le jugement dernier sera chaud. Mais tout ira mieux d'ici là, en attendant je fous la médicinale. Faut que je me repentisse que mes péchés s'annulent. Peut-être qu'on s'en sortira pas si mal, non. Plume trempée dans l'encre, je dirais que la vie n'est qu'une mort lente. Le genou à terre, le regard vers les cieux. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. Demain tout ira mieux. On ira tous au ciel, ouais si Dieu le veut, Inch'Allah. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux, Inch'Allah.